Mais, enfant que vous êtes, s'écria la vicomtesse, Madame de Restaud est une demoiselle Goriot. Ah, c'est son père, reprit l'étudiant en faisant un geste d'horreur. Mais oui, ce bonhomme avait deux filles dont il est quasi fou, quoique l'une et l'autre l'aient à peu près renié. La seconde n'est-elle pas, dit la vicomtesse en regardant Madame de Langeais, mariée à un banquier dont le nom est allemand, un baron de Nucingen? Ne sommes-elles pas Delphine? Elles ont renié leur père, répétait Eugène. Eh bien oui, leur père, le père, un père, reprit la vicomtesse, un bon père, qui leur a donné, dit-on, à chacune 500 ou 600 000 francs pour faire leur bonheur en les mariant bien, et qui ne s'était réservé que 8 à 10 000 livres de rente pour lui, croyant que ses filles resteraient ses filles, qu'il s'était créé chez elles deux existences, deux maisons où il serait adoré, choyé. En 2 ans, ses gendres l'ont banni de leur société comme le dernier des misérables. Quelques larmes roulèrent dans les yeux d'Eugène, récemment rafraîchis par les pures et saintes émotions de la famille, encore sous le charme des croyances jeunes, et qui n'en était qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne.